Page 73. Activité 3. Écoutez et dites combien de fois vous entendez le son « u » dans chaque phrase.